Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le français parlé en Nouvelle-France. Tous les voyageurs, tous ceux qui ont témoigné à propos de la langue, puis il y en a quand même un certain nombre, parce que les gens qui débarquent font des commentaires sur le climat, sur les moustiques, sur le froid, mais ils sont unanimes sur une chose, c'est la qualité du français qui est parlé ici. Ça les étonne tous. Ils font tous cette remarque parce qu'en France, ils ne sont pas habitués à ça. Ce que raconte l'historien Denis Vaugeois à l'émission Le cœur de l'été en juillet 2004 peut, avec nos yeux d'aujourd'hui, sembler étonnant. Le français parlé en Nouvelle-France aurait été de meilleure qualité que celui parlé en France. Comment expliquer cet avantage Québec à l'époque de la Nouvelle-France et comment expliquer que les Québécois ont ensuite longtemps souffert d'un complexe quant à la qualité de leur langue quand ils la comparaient au français parlé par nos cousins d'outre-Atlantique? Usagers de la langue française, restons unis, lâchons des sacres, lâchons les biens. Esthète qui goûtez l'art sacré, voici pour vous l'art de sacré. En vous baladant à Versailles, en fin d'après-midi, en regardant les grandes eaux, ne dites pas « Aston Calvaire de Bellefontaine ». Dites plutôt « C'est une baptême de Bellefontaine ». Dans quelques soirées mondaines, en dégustant un Beaujolais ou un Saumur rosé, ne dites pas « Aston Crest de bon vin ». Dites plutôt, c'est un colis de bon vin. Comme il est bon de pouvoir ainsi boire. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que serait une pièce de Corneille, mais là, si le grand Corneille avait su comment sacrer? Voici un extrait fameux, un extrait du Cid, cette scène fameuse où Don Rodrigue rencontre le père de Chimène. D'une main, il prend son épée et de l'autre, il s'écrie « À moi, calvaire! Deux mots! Je vous entends, monsieur, mais vous n'êtes qu'un tabarnak! Contemplez cette épée, félon, à travers le cœur, je vais vous la crisser! » Extrait du sketch « Le cours de sacre » où les cyniques y vont d'un clin d'œil cynique, justement, sur le français parlé au Québec. Un sketch qui date de 1968. Pour nous parler du français qu'on entendait à Montréal ou à Québec à l'époque de la Nouvelle-France, pour voir de quelle manière va également évoluer la langue parlée chez nous au fil du temps, je retrouve avec grand plaisir l'historien Éric Bédard, professeur à la TELUC, auteur entre autres de l'ouvrage « Survivance, histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français ». Éric, c'est un plaisir vraiment de vous retrouver. Merci. Bonjour, bienvenue à l'émission. Qu'est-ce qu'on sait du français parlé en Nouvelle-France? Bien, ce qu'on en sait, c'est ce que nous ont rapporté au moins 13 témoins. Alors, il y a une étudiante qui a fait un doctorat, d'ailleurs, pour repérer à la fin des années 90 toutes les mentions par rapport à la langue. Elle en a repéré 13. Alors, une des premières, et je vais vous en citer quelques-unes, il y a 11 Français, un Suédois et un Anglais. Donc, c'est très précis. Alors, je vous en donne des exemples. Et en effet, comme le dit Denis Vaugeois, ce qui est commun à tous ces témoignages, c'est en effet la qualité et l'unité linguistique. Donc, la qualité de la langue parlée et le fait que tout le monde se comprend en cette colonie ou à peu près. Donc, un des premiers, c'est Simon Denis, 1651. La langue française y est parlée avec élégance, note-t-il, en 1651. Il y a 2000 personnes dans la colonie. 40 ans plus tard, Chrétien Leclerc note une énonciation nette et pure, une prononciation sans accent. Sans accent. Et il n'est pas le seul qui va dire la chose. Charlevoix, l'historien, qui est de passage en 1720, « Nulle part ailleurs, on ne parle plus purement notre langue. On ne remarque même ici aucun accent. » Je pourrais en citer encore un autre. Le dernier que je citerai, c'est Bougainville, le grand savant, qui est l'aide de camp de Montcalm, et qui donc, en 1759, note que le français, l'accent des Canadiens, le français parlé ici, est aussi bon qu'à Paris. Donc, vous voyez que c'est absolument commun, c'est frappant de voir à quel point tous les gens qui débarquent ici, et là, je pourrais vous citer un Britannique, puisque la langue française était parlée par les élites britanniques à l'époque, Thomas Jeffries. Je pourrais vous citer aussi Pierre Calme, très célèbre botaniste qui est de passage en 1749. ces gens disent tous la même chose. Ouais. Et de fait, quel français parle-t-on? Donc, tout le monde est d'accord, il y a ici une qualité de langue comparable, peut-être même supérieure à celle qui est parlée en France et à Paris. Mais quel français parle-t-on voilà. à ce moment-là en Nouvelle-France? Alors, ça, c'était une matière à débat, mais en gros, on parle ce qu'on appelle le français populaire d'Île-de-France. Évidemment, les gens qui viennent ici, ce sont des gens, la plupart du temps, qui sont très peu éduqués, mais ce sont des gens mobiles. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont dû se déplacer jusqu'à un port, évidemment, pour prendre le bateau. Donc, c'est ce que, justement, Leslie Choquette a parlé dans ses travaux d'une France mobile. Donc, les Français qui bougent. Et les Français qui bougent, ben, ils n'ont pas le choix. Ils doivent, comme on dit, baragouiner, ils doivent parler, ils doivent maîtriser un peu le français de l'Île-de-France, qui est quand même la langue commune du royaume depuis l'édit de Villers-Cotterêts de François Ier de 1539, doivent se débrouiller un peu partout pour se faire comprendre. Oui. On se comprend, là, ce ne sont pas des grands écrivains et des grands locuteurs qui maîtrisent le français comme mais Molière. Mais ils parlent français, mais le français de l'époque. Français. Enfin, ce qui n'est pas le cas en France, nécessairement. Exactement. Alors là-dessus, vous voyez, il y a un débat. On dit souvent que les Français, jusqu'en gros à la Première Guerre mondiale, ne se comprenaient à peu près pas, qu'il y avait des patois, qu'il y avait une très grande diversité linguistique, ce qui est évidemment sûrement vrai en grande partie, mais on se base beaucoup sur une étude d'un certain Abbé Grégoire durant la Révolution française. Abbé Grégoire, qui était très jacobin, qui avait une vision un peu puriste peut-être de la langue, et dès que ça déviait un peu ouais. d'une certaine norme, on en reparlera, c'était du patois. Ouais. Hein? Et donc peut-être que l'abbé Grégoire et d'autres ont exagéré la diversité linguistique de la France. En fait, c'est ce que des travaux que j'ai lus assez récents notent. En jugeant patois tout ce qui n'était pas exactement. Relevé, entre guillemets. Tout ce qui n'était pas relevé, ouais. tout ce qui n'était pas d'une certaine élite, était comme relégué au rang du patois. Et donc on a peut-être un peu exagéré ouais. la diversité linguistique, mais c'est vrai qu'elle existait à coup sûr. Ouais. Et en tout cas, ici, il y avait une plus grande, si on peut le dire aussi à coup sûr, une plus grande homogénéité. On ouais. parlait le même français populaire, mais quand même avec une certaine qualité, ce français parlé dans l'Île-de-France, nous disiez-vous. Comment expliquer que ce soit ce français-là, ce français de qualité, qui a été parlé en Nouvelle-France? Je vous propose d'écouter le linguiste Philippe Barbeau à l'émission Histoire de parler en 1999. Pour lui, l'une des explications principale tient à l'arrivée ici de celles qu'on va appeler les filles du roi. Au 17e, en France, il y avait effectivement une multitude de parler. Il n'y avait à cette époque-là qu'un Français sur cinq qui parlait le français parisien. Donc en Nouvelle-France, il y avait les trois principales agglomérations, Québec, Trois-Rivières et Montréal. Et je crois que vers 1680-1690, presque tous les foyers utilisaient la langue française de façon, je pourrais dire, courante. Entre autres parce que la plupart des épouses, la plupart des femmes en âge d'élever des enfants et d'avoir des enfants étaient en grande majorité des locutrices issues du bassin parisien. Ou si elle n'était pas native du bassin parisien, il y avait séjourné assez longuement pour y être instruite et pour y être éduquée par les sœurs. Et que par conséquent, c'était des femmes qui avaient une certaine maîtrise de l'écriture. Elles savaient faire de la comptabilité, et en plus de savoir coudre et tenir le livre du ménage, quoi. Alors, quel impact aura donc concrètement, Éric Bédard, l'arrivée des filles du roi sur le français parlé en Nouvelle-France? C'est certainement un impact important. C'est d'ailleurs la thèse de Philippe Barbeau qu'on vient d'entendre. Il a publié un essai choc en 1984 qui s'intitulait « Le choc des patois en Nouvelle-France ». Et ce qu'il laisse entendre, il croit, il soutient cette thèse-là qui a été contestée, on y reviendra, qu'au milieu du 17e siècle, c'est un tiers. Là, on parle de 2000-2500 personnes. Ouais. Donc, un tiers qui ne parle que le français de l'Île-de-France, un tiers qui ne parle que le patois, donc ils ne peuvent pas communiquer avec cet autre tiers forcément, et un tiers de bilingues, patois-français. Et là, ce que nous dit Barbeau, c'est qu'avec l'arrivée des filles du roi, ben là, comme la grande majorité de ces filles du roi parlent le français d'Île-de-France et qu'elles vont évidemment faire des enfants, on parle bien de la langue maternelle, ouais. donc elles vont avoir un impact extrêmement important. Alors, cette thèse de Barbeau s'appuie en général, généralement sur une seule source, par contre. Elle est assez... C'est-à-dire que de dire que les gens de la Nouvelle-France au milieu du 17e siècle ne se comprenaient pas, ça tient à peu de choses au niveau des sources documentaires. On cite toujours le même procès depuis Adjutor Rivard, ouais. Là, on cite un procès des années 1660 où il y a les deux parties, il y a une des deux parties qui dit au juge, écoutez, je comprends pas ce que l'autre partie essaie de me dire, ouais. Parce que, bon, c'est du patois, etc. Mais à part cette source, on n'a pas vraiment de preuve que les Français de la Nouvelle-France du début ne se comprenaient pas. Ouais. D'ailleurs, et c'est ce que soutient Claude Poirier, et c'est ce que soutenait plus récemment Gervais Carpin, c'est-à-dire qu'au fond, la grande majorité des colons, des engagés, des gens qui viennent ici au début du 17e siècle, au fond, ces gens-là maîtrisent les rudiments d'un français populaire d'Île-de-France, ouais. Parce que ces gens-là appartiennent à une France mobile, ouais. Qu'ils n'ont pas le choix de parler français. Et puis, certainement que l'arrivée de ces filles du roi, ça c'est incontestable, qui sont toutes de Paris ou passées par Paris et qui parlent ce français-là. Au moins la moitié, oui. Ça crée une certaine... Enfin, ça contribue à l'uniformité du français parlé, oui. Ici. Alors, et chose certaine, en tout cas, si les chercheurs ne s'entendent pas sur le début du, ouais. 17e siècle, ils s'entendent tous sur le fait qu'à la fin du 17e siècle, il y a véritablement, dans la vallée du Saint-Laurent, une unité linguistique. Ouais. Et une unité linguistique qui est certainement beaucoup plus grande ici qu'elle ne l'est en France à la même époque. Et ce français parlé à ce moment-là, donc qui est encore une fois le français beaucoup parlé en Île-de-France et dans la région parisienne, il va graduellement, quand même, Éric Bédard, se ponctuer de canadianisme. Ça arrive quand... oui. Est-ce qu'on a des traces de ça? Quand apparaissent les premiers canadianismes? Alors, ça apparaît graduellement. Le plus beau témoignage de ces canadianismes nous vient d'un père jésuite qui vient en Nouvelle-France autour des années 1740-1750 et qui va noter dans un carnet les mots qu'il entend et qu'il ne reconnaît pas, qui sont des usages particuliers, donc ce qu'on va appeler plus tard des canadianismes. Je vous en donne quelques exemples. Évidemment, c'est relié au bois, c'est relié à l'hiver. Par exemple, le mot « poudrerie », hein, il trouve ça très beau, le mot « poudrerie », il le note dans ses... Alors ça fait partie des canadianismes. Le verbe « bûcher », du bois franc, « corder », le bois, ouais. « sabrier ». Sabrier, ça, c'est aussi mettre donc à l'abri du froid. Donc, vous voyez, ce qui a beaucoup lieu, ce qui est lié au froid. Une trollée pour une foule. Tanner pour fatiguer. Ouais. Donc, ça, ce sont des mots qui sont considérés comme des canadianismes. Mouiller pour pleuvoir, être échaudé, aller sur le plancher des vaches. Ouais. Alors, ce père-là s'appelle Pierre Potier, donc c'est un jésuite. Donc, on voit garrocher ouais. D'autres mots. Donc, il note ces canadianismes et en même temps, ce qu'il y a, comme dans le français de la même époque, c'est ce qu'on va appeler plus tard des archaïsmes, c'est-à-dire ces mots que l'on parlait en France, ouais. ou ces expressions, ces tournures, cet accent... Par exemple, « cette femme » pour « cette femme »,« nayer », ce « nayer », on entendait ça dans la région parisienne, « craire » pour « croire »,« balayer » pour « balayer »,« oué », la fameuse formule « oué » pour « roi ». Alors, c'était en vieux français, ce sont là des archaïsmes qui ont perduré par la suite. Voilà, des archaïsmes, dans certains cas, qui ont perduré. Puis les canadianistes dont vous avez parlé, qui ont à peu près tous perduré jusqu'à oui, évidemment, nos jours. Là, j'ai choisi ceux qui ont perduré. Il y en ouais. a d'autres qu'ils citent qui ont été oubliés, qui sont ouais. perdus. Bon, à partir du 18e siècle, donc on l'a vu, le français et le français parlé en Nouvelle-France est très comparable à celui parlé en Île-de-France. Ça commence à changer à partir du 18e siècle. C'est là qu'un fossé va se creuser entre le français parlé ici et celui parlé en France. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Éric Bédard? Alors, il se passe d'abord deux choses. Il se passe d'abord la conquête. Hein? Indéniablement que la conquête crée une coupure entre cette ancienne colonie française et la métropole, donc la sève, le milieu, la sève fondatrice, là, on est ouais. coupé de ça et l'éducation est plutôt rudimentaire. Puis on y reviendra parce qu'il y a, il y a des débats aussi sur ouais. l'effet qu'a eu la conquête, mais c'est un premier élément dont il faut tenir compte. Oui, mais le deuxième élément, c'est que, et là, c'est quelque chose que j'ai appris récemment en lisant les ouvrages de Jean-Denis Gendron, c'est que ce seraient les Français qui auraient changé leurs normes linguistiques, que, en fait, les thèses qui circulent le plus dans le domaine, c'est que la Révolution française n'aurait pas été seulement une révolution politique et sociale, mais aussi une révolution linguistique. Puisque c'est une nouvelle élite qui arrive au pouvoir, l'élite, l'élite bourgeoise, l'élite des avocats, des intellectuels, des écrivains, cette élite-là impose un français nouveau qui se distingue du français d'Île-de-France, oui, évidemment, du français populaire, mais aussi d'un certain français parlé à la cour. Et donc, les thèses qui circulent, c'est que lorsque les Tocqueville ou d'autres Français du 19e siècle viennent ici, au Québec, et entendent notre langue, ils sont choqués, dérangés, parce que c'est leur français qui se serait mué avec des nouvelles normes au fil des années. Et donc, évidemment, là, il y a eu un écart qui se serait créé, un fossé qui se serait creusé. Mais ce qui est intéressant, puis moi aussi, je l'apprenais en préparant l'émission, c'est que en fait, c'est le français parlé à Paris qui change. L'élite se met change sa manière de parler, alors que nous, on continue tout simplement de parler de la même manière qu'en Nouvelle-France. Oui, c'est ce que nous dit Jean-Denis Gendron, avec des documents à l'appui, avec des dictionnaires du 17e siècle à l'appui. Donc, il nous montre que bien des formulations et un certain accent qui a perduré au Québec et donc en Nouvelle-France, que cela, c'était ça qui avait cours en France, dans la France d'Ancien Régime. La conquête, on y revient, c'est incontournable. Quel impact a eu la conquête sur le français parlé ici? Puis il y a encore là toutes sortes de théories, il y a des débats sur cette question-là, ce qui rend la chose doublement intéressante. On écoute deux points de vue à ce sujet-là. D'abord, le linguiste Claude Poirier, qui en parle dans le documentaire radio L'origine du français québécois, diffusé en 1997, puis l'historien de l'éducation Louis-Philippe Audet à l'émission Format 30 en 1972. C'est assez curieux de voir que des mots qu'on avait en commun avec les Français de France, avec les Français de Paris, qui ont disparu. Je parlais tout à l'heure de grand chien, de grand bœuf. Ben, on disait ça, je le vois, au 17e siècle. Ça disparaît, on se met à dire gros chien, gros bœuf, ou gros bœuf. Même chose, on dit au Québec aujourd'hui une veste carottée ou une chemise carottée. Mais quand je regarde dans l'histoire du français ou du Québec, on dit ça à partir du régime anglais. Avant le régime anglais, on disait à carreau. Puis tout à coup, sur le régime anglais, on se met à dire carottée. Pourquoi? Je ne peux pas l'expliquer parce que carottée vient évidemment pas de l'anglais, ça vient du nord-ouest de la France, c'est clair. Dans les mêmes contextes qu'au Québec, c'est carottée qu'on dit. Mais pourquoi ça s'est produit? Alors je me dis, est-ce qu'il y a un rapport entre le fait que les Anglais prennent le pays, l'élite française retourne en France, donc une certaine partie qui influence l'usage de façon importante, parce que c'est les gens de la haute société, s'en vont, il reste les petits peuples. Et le petit peuple disait carotté, probablement. Et je pense que là, ces emplois-là ont pu avoir libre cours parce qu'il n'y avait pas de normes d'en haut, normes sociales qui l'empêchaient. C'était le mot que les gens disaient spontanément. Nos ancêtres n'étaient pas des ignorants. Ils savaient lire, ils savaient écrire. Il y a des enquêtes qui ont été faites dans les greffes. On a inventorié les greffes des notaires. Garneau et Fitz-Garneau a inventorié les greffes des notaires dans la région de Québec. Et on est surpris par les signatures, les bonnes signatures qu'il y avait, les signatures très bien, agréables à voir. L'ignorance, enfin, l'ignorance du peuple date d'un peu plus tard. Après la conquête de 1760 à 1800, il y a eu là, 40 années pendant lesquelles les écoles ont vivoté. Et puis là, on relève enfin des traces d'analphabétisme. Les gens ne voyaient pas l'utilité d'apprendre à lire et à écrire. Quel impact aura donc la conquête d'Éric Bédard et la fin du régime français en 1760 sur la langue parlée chez nous? C'est très difficile à évaluer. Au fond, ce n'est pas deux thèses contradictoires, hein, parce que les deux se complètent. Hein. Je ne vais pas vous contredire, Jacques, mais au fond, les deux thèses se complètent. Oui. C'est-à-dire qu'un dit... S'additionne. Et voilà. D'un côté, c'est vrai que l'éducation est laissée un peu en friche. Il n'y a pas beaucoup de transmission. Il y a peu de livres qui circulent. Il y en a, mais pas beaucoup. De l'autre, il y a peut-être une réinvention de la langue où il y a des mots qui sont ajoutés. Il n'y a plus ces standards qui peuvent venir d'une certaine élite. Cette élite retourne en France. Voilà. Puis vous l'avez un peu évoqué il y a quelques minutes, mais la Nouvelle-France, après la conquête, ça, c'est un impact important et qui va se traduire très concrètement sur la langue parlée ici et tout à coup déconnecté du français parlé à Paris. On est déconnecté de cette sève fondatrice. Et là, pendant ce temps-là, il se produit énormément d'événements en France. Il y a cette révolution, à la fois sociale et linguistique, on vient de le dire. Et donc, les observateurs, les gens de passage qui viennent nous visiter sont, eux, ont une vision très dépréciative. Donc, en un siècle, on passe d'une vision très positive. Je vous ai cité Bougainville en 1759. Ouais. Puis vous arrivez en 1831 avec Alexis de Tocqueville, qui a un discours complètement opposé. Il n'est pas le seul. D'autres vont tenir un discours similaire. Et ce qui est frappant, c'est que nos élites canadiennes-françaises, à partir du 19e siècle, vont intégrer cette vision très dépréciative. Donc, vont avoir le sentiment qu'il y a un décalage, qu'il y a un fossé, qu'il y a un rattrapage, donc, à faire. Et plus tard, au 19e siècle, vont naître, au tournant du 20e siècle, des sociétés du bon parler français, ouais, des dictionnaires, des lexiques. Évidemment, ce qui va être surtout ciblé, ce sont les anglicismes, ou ces mauvais usages calqués sur l'anglais, qui n'étaient pas toujours non fondés. Mais beaucoup de ces gens-là qui vont s'intéresser à l'histoire de la langue, il ne faut pas non plus les caricaturer comme des gens qui polissaient la langue et qui créaient des inhibitions chez les classes populaires, parce que je pense à un chercheur comme Adjutor Rivard, qui est un homme exceptionnel au début du 20e siècle, qui a fait énormément d'études, qui a créé le bulletin du parler français, ouais, et qui a étudié notre langue. Donc, mais quand même, on a un peu intériorisé cette vision dépréciative. On va créer d'ailleurs au début du 20e siècle, j'ai appris ça en lisant Jean-Denis Gendron, le fameux conservatoire La Salle, qui, ouais, va former des générations d'annonceurs, ouais, ici même à Radio-Canada, dont le fameux Henri Bergeron, ouais, qui a parlé la langue, hein, qui était la norme pendant longtemps. Puis en fait, c'est comme si l'élite d'ici, le clergé, entre autres, parce qu'en 1841, l'abbé Thomas Maguire, par exemple, va publier un manuel du français, c'est comme si l'élite d'ici se rendait compte que l'élite française et parisienne parlait autrement, qu'on avait peut-être un peu pris de retard et qu'on veut un petit peu remonter le niveau. C'est un petit peu ça, l'effort. Exactement. Donc, on veut remonter le niveau, on veut se calquer sur le modèle français. Et là, ce qui va se produire, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, 70 et 80, là, on va avoir le mouvement exactement inverse, c'est-à-dire il faut accepter notre propre norme québécoise. Ouais. Nous parlons une autre langue, la langue québécoise, dira Léandre Bergeron, en passant, le frère d'Henri Bergeron. Ça devait faire des bons soupers de famille. Ouais. Hein? et donc, on parle une autre langue, et là, il y aura des débats entre nous, Québécois, pour dire, ben non, est-ce qu'on conserve cette espèce de français standard international, ou est-ce qu'on l'abandonne pour épouser la langue populaire, vernaculaire des Québécois, et ça, c'est le vrai Québécois. Bon, alors, ça va provoquer des débats intéressants, mais tous ces débats-là vont générer une étude, une connaissance. Je suis content qu'on ait entendu Claude Poirier, parce que c'est vraiment un des chercheurs que j'admire le plus. Il a avec toute une équipe, publié un dictionnaire historique de la langue, ouais, de la langue au Québec. Il y a, si vous allez sur les sites de l'Université Laval, son groupe de recherche, les trésors de langue française, vous trouvez plein d'histoires autour de mots. Alors, j'invite vraiment nos auditeurs à aller, si ça les intéresse, poursuivre leur recherche sur les sites de l'Université Laval et de Claude Poirier. Éric Bédard, professeur d'histoire à la TELUC, auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent est Survivance, histoire et mémoire du 19e siècle canadien-français. Merci. Merci. Merci. Éric. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.